si j'étais plus jolie qu'elle, c'est moi que tu choisirais. Si j'étais plus jolie qu'elle, c'est moi que tu aimerais. Mais je suis un peu moins belle. Et je chanterai comme elle la chanson du verbe aimer. Mais je suis un peu moins belle, je sais. Quand elle s'en va, tu es perdue. Je deviens pour toi. Thank you.